Un homme a le cœur aussi dur qu'une pierre. Mais de quel homme tu me parles? Précieux sont celles de nos sœurs, de nos mères et de nos femmes. Prions pour que leur attention à nos âmes soit éternelle. Que le Seigneur ne les prive pas de leur instinct maternel et de leur courage. La violence envers elles mériterait pire qu'être enfermée dans une cage. Je sais que ce texte est banal, ça peut paraître chiant, mais une fleur de plus qui pousse ne fait qu'embellir le champ. À nos reines qui élèvent aussi bien nos progénitures, à celles qui sont victimes de nos folies et de nos aventures. Faut être honnête, elles ont un mental d'acier. Elles resteront toujours entières, même avec le cœur brisé. La vie est un combat long et douloureux. Les femmes sont des soldats qui nous protègent comme la prunelle de leurs yeux. Et si leur silence nous donne des frissons, leur présence est censée enfermer nos cœurs dans une prison. D'amour et de sagesse, leur faiblesse est une force. Elles gouvernent le royaume de la vie quand elles abritent nos gosses. Priez pour que ce qu'elles nous apportent n'aura jamais de fin, pour que leur douceur nous fasse toujours vivre jusqu'au lendemain. La grandeur de leur courage inspire le plus grand respect. Sachez maintenant pourquoi les femmes ont des jardins secrets. Si la patience était un bijou, elles en seraient couvertes. Leur seule richesse est ton sourire, car c'est ce qui les rend fiers. Elles ne veulent pas de reconnaissance, seulement que l'on n'oublie pas qui nous a donné naissance. Elles ont été les sœurs de nos aînés. En cas d'excès, elles seront là pour te freiner. Petite, demain tu seras une femme. Ne laisse pas cette génération te noyer dans les flammes. Adolescente, tu veux grandir rapidement. Tu veux brûler les étapes, dans le mur tu fonces bêtement. Tu penses faire les bons choix malgré les avertissements. Au final t'es hanté par les fantômes de tes agissements. Demande à ta mère ce que sont les regrets. Elle te répondra qu'ils existent sous différents degrés. À celles qui nous maintiennent debout quand le cerveau explose. Si le respect était une fleur, je vous offrirais cette rose. Et si leur silence nous donne des frissons, leur présence est censée enfermer nos cœurs dans une prison. D'amour et de sagesse, leur faiblesse est une force. Elles gouvernent le royaume de la vie quand elles abritent nos gosses. Priez pour que ce qu'elles nous apportent n'aura jamais de fin, pour que leur douceur nous fasse toujours vivre jusqu'au lendemain. La grandeur de leur courage inspire le plus grand respect. Sachez maintenant pourquoi les femmes ont des jardins secrets.